amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais raconter de plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Allô. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs, dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs. Les fleurs des champs. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Il y a des vieillards, il y a des gamins. Il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachat. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle, elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle, tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les concis ramassent à l'appel, y a plus de place dans ma poubelle, il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires, y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Je l'ai pas vu, j'ai marché dessus, moi je l'ai pas vu.